Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. En fin de semaine, c'était le championnat du monde de football U19. En fin de semaine, c'était la grande finale et le Canada l'a emporté par le compte de 13-7 contre le Mexique. Pourquoi je vous parle de ça? Évidemment, il y a deux joueurs du Haut-du-Lac qui faisaient partie de cette équipe, soit Philippe Lavoie de Saint-Jean-d'Arc et Charles-Émile Bouchard de Saint-Félicien. C'est le début des activités en ce qui a trait à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. C'est la 64e qui va avoir lieu en fin de semaine. Et ce qui a trait à la traversée, il y avait une compétition de course à pied hier. Il y a environ 300 coureurs qui ont bravé la très chaude température. Au 5 km féminin, on a vu deux coureurs terminer au premier rang, soit Lison Milon et Émilie Villeneuve qui ont terminé avec le même chrono, soit 21 minutes et 9 secondes. Chez les messieurs, Claude Gilbert a gagné la compétition. Il est du club du 1000 de Dolbeau-Missassigny. Il a gagné avec un temps de 16 minutes, 49 secondes. Et au 5 km, notons également que Mathieu Larouche a terminé en troisième place avec un temps de 17 minutes, 44 secondes. Il est de Roberval. Au 3 km, Sakia Ducheno du club du 1000 a été la meilleure avec un temps de 12 minutes. Chez les filles et chez les gars, Xavier Larouche de Roberval a triomphé avec un temps de 12 minutes 13 secondes. Maxime Dupéré a terminé en deuxième place avec un temps de 13 minutes et 13 secondes. Et Loïc Podvin a pris le troisième rang avec un temps de 13 minutes 17 secondes. Au 1 km, gain de Danny Gauthier de Roberval qui a été la meilleure avec un temps de 6 minutes et 17 secondes. Du côté masculin, gain de Joey Prenevaux du club du 1000. Joey qui a remporté la victoire au 1 km avec un temps de 5 minutes et 47 secondes. Tant qu'à Léonard Lamontagne, il a terminé au 3e rang. Il est du club du 1000 aussi. Il a terminé avec un temps de 6 minutes 33 secondes. Il est de Roberval. Il y avait une athlète du club du 1000 de Dolbeau-Missassigny qui était présent également en compétition à Québec. Et il s'agit d'Elisabeth Simard qui a terminé au 2e rang au 5000 mètres en marche. Elisabeth Simard qui a terminé avec un temps de 29 minutes, 39 secondes et 62 centièmes. En fin de semaine également, c'était le Saint-Prime Open. Ça s'est déroulé au club de golf de Saint-Prime. C'était la 4e édition. Et je vais vous donner les vainqueurs dans les différentes catégories. D'abord, première position pour Jonathan Lambert. Deuxième position pour l'équipe de Doug Archibald. La troisième place est allée à Benjamin Meunier-Milo. Et donc, ce qui concerne les trois premières positions. Alex Bussière de Dolbeau-Missassigny, qui est en course à pied, a obtenu un bel honneur. Il a été nommé entraîneur adjoint pour le duel Canada-États-Unis qui aura lieu à Toronto au mois d'août prochain. Donc, on va tenter d'ailleurs de parler à Alex Bussière au cours des prochaines journées. C'est ce qui complète le bulletin de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux.